Page 45. Exercice 5. 1. Malgré le bruit et le danger, Aline n'a pas bronché. 2. À force de gesticuler, Patrick a renversé le vase. Je reconnais qu'il était posé sur une table branlante que je n'avais pas eu le temps de caler. 3. Comme elle est vendeuse dans un grand magasin, Alice piétine toute la journée. Ce qui est d'autant plus dur qu'elle boitille encore après l'entorse qu'elle s'est faite il y a quelques semaines.